chez Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini. On vous offre le F-150 neuf à 0% jusqu'à 72 mois sur les modèles sélectionnés. De plus, obtenez plus de 5 000 $ en valeur totale, incluant 2 500 $ en allocation et livraison. Les membres Costco admissibles reçoivent aussi un rabais de 1 000 $. Jean Dumas Ford, 1711 boulevard Vézina à Dolbeau-Mistassini, 418-276-1316. Là où l'expérience est inégalée, toute notre équipe vous invite à visiter notre page Facebook pour les différentes promotions. Jean Dumas Multiconcessionnaire. Activité qui a été annoncée la semaine dernière, c'est après la traversée internationale du lac Saint-Jean à la nage, la traversée internationale du lac Saint-Jean en vélo de montagne, il y aura une traversée internationale du lac Saint-Jean à course à pied. Et question un peu de savoir un peu comment ça va fonctionner et ainsi de suite. On va parler avec le responsable, qui est directeur général de la Fondation de la Pointe des Pieds, Jean-Charles Fortin. Bon matin, M. Fortin. Oui, bonjour, Danny. Monsieur Fortin, si on parlait un peu de cette activité-là, mais avant, je veux parler de la fondation. C'est quoi ça, cette fondation-là? En fait, nous, ça fait plus de 20 ans qu'on est basé dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et on est les premiers au Canada à s'être intéressés au concept d'aventure thérapeutique pour les jeunes atteints de cancer. Okay. C'est-à-dire qu'on prend des jeunes de 14 à 18 et de 19 à 29 ans qui sont soit en traitement ou en rémission de cancer et on les amène à vivre un programme en nature, en aventure, pour leur faire prendre conscience de force qu'ils ont en dedans d'eux. Okay. Bien des gens vont penser que ce qu'on fait, c'est que c'est comme un camp de vacances pour les jeunes atteints de cancer, mais c'est vraiment pas le cas. C'est un programme qu'on a développé avec des travailleurs sociaux, des psychologues, basé sur les besoins des jeunes. Puis nous, c'est vraiment un défi qu'on leur lance. Là, on peut partir des dizaines de jours en canot, en traîneau à chien. On veut vraiment les amener à se dépasser, puis qu'ils retournent dans la vie de tous les jours, là, conscients de leur force, de leur talent, puis prêts à poursuivre la vie en dépit de la maladie. OK, donc ça veut. Moi, je pensais que c'était une course à pied qui de 32 km qui se faisait entre Péribonka et Roberval, avec un temps, une compétition, quoi, mais c'est pas ça du tout, là. Ah non, vous étiez sur la bonne piste. Okay. En fait, c'est que nous, nos programmes sont complètement gratuits pour les jeunes atteints de cancer. Et pour garder ça gratuit, ben on doit faire des levées de fonds. Il y a des levées de fonds que les gens qui vous suivent connaissent déjà. Je pense au Rasoton, Marie-Hélène Côté, ouais, qui fait à Saint-Bruno au mois de mai, ça fait 20 ans. Je pense aussi au double défi des deux Mario, qui est une traversée du lac Saint-Jean en ski, en raquette, entre Pointe-Taillon et Roberval. Ça fait maintenant 11 ans qu'on fait ça. Mais à partir de cette année, le 23 février 2019, on va aussi faire une nouvelle levée de fonds qui est, comme vous l'aviez mentionné, la traversée du lac Saint-Jean de Péribonka à Roberval, un 32 km, mais il va y avoir aussi un 10 km entre Roberval, l'île aux Couleuvres et le retour. Donc un 32 km et un 10 km. Les gens, la formule est assez classique là pour les événements sportifs, c'est-à-dire que les gens s'inscrivent à l'une ou l'autre des courses, soit le 10 ou le 32. Okay. Il y a des frais d'inscription de 75 $ pour le 10 et 100 $ pour le 32. Okay. Et suite à ça, les gens doivent faire une levée de fonds. C'est-à-dire okay. que les gens qui courent le 10 km doivent faire une levée de fonds de 500 $ et les gens qui font le 32, quant à eux, vont faire une levée de fonds de 1 000 $. OK. Donc, là, c'est quoi? C'est une cinquantaine, j'ai vu ça, une centaine de coureurs que vous pensez atteindre pour la première année. Évidemment, c'est une nouvelle sorte de compétition. Là. Traverser le lac Saint-Jean l'hiver, c'est pas facile. Il y a des vents, il y a du froid. C'est pas comme courir, exemple, ce sera pas comme courir dehors là, dans le chemin. Là. Ça va être vraiment le lac Saint-Jean. Donc, ça risque d'être assez particulier comme expérience. Et c'est ce qu'on veut. On a effectivement limité là, à 50 participants pour le 32, puis à 100 participants pour le 10 km. Nous, on est confiants que d'ici 3-5 ans, on va avoir 500 personnes, mais on veut commencer, on veut y aller étape par étape. On a fait un projet pilote en février dernier avec une douzaine de coureurs. Ouais. Donc, on sait qu'on a une bonne formule. On avait quelques correctifs à apporter qui vont être apportés pour cette année, mais on va y aller étape par étape. Puis oui, c'est une expérience qui est particulière. Puis c'est ça que les coureurs veulent. Mm. Ils veulent des nouveaux parcours, des nouveaux concepts de course. Puis courir sur un lac, ça se fait nulle part. Ben non. En fait, il y a une course sur la banquise là, au pôle Nord, là, mais ça coûte 19 000 piastres y aller. Mais sinon, courir sur un lac, ça se fait nulle part. Puis en plus, la nuit, ou à tout le moins dans l'obscurité, on a fait nos recherches là, et c'est quelque chose qui est unique au monde. Donc nous, on sait, puis on le voit déjà là, dans les inscriptions, il y a à peu près 80% des gens qui viennent de l'extérieur de la région. Là. Il y a un énorme potentiel attractif avec un événement comme ça. Nous, on est très, très confiants que ça va devenir une grande classique. Est-ce que vous avez, c'est ça, c'est une bonne idée. De où est venue l'idée? En fait, c'est un de nos bénévoles au double défi des deux Mario, comme je vous disais, ouais. Une autre levée de fonds qu'on fait là en ski en raquette sur deux jours et demi pour traverser de Pointe-Taillon jusqu'à Roberval. Un de nos bénévoles qui avait eu cette idée-là de dire « Hey, un grand sportif, là, Éric Paquette ». Qui nous a dit « Hey, moi, j'ai déjà eu cette idée-là, ça pourrait être le fun de traverser le lac à la course à pied ». Puis là, ça a mûri un peu dans notre tête, puis on entendait les gens de la corporation de la Véloroute là, qui s'occupent de l'événement en fat bike, qui disaient ben nous, on entretient la piste, puis on a le mandat de faciliter, de favoriser la tenue d'autres activités sur notre piste. Donc, on a réalisé que l'opportunité était là. Ça fait presque 2 ans là, qu'on a engagé un échange avec les gens de fat bike. Et aussi avec la ville de Roberval, la municipalité de Péribonka, la MRC, Domaine du Roi, MRC Maria Chapdelaine, qui ont tout embarqué et puis qui nous supportent là-dedans. Puis vraiment, là, on les remercie chaleureusement parce que sans leur apport, ouais. On n'aurait pas pu tenir cet événement-là. Jean-Charles Fortin, il y a un circuit qui s'appelle le circuit Autocar-Janois, que vous devez soumettre au courant. Dans la région, est-ce que vous allez faire des démarches pour avoir des coureurs de la région? Parce que sans que je verrais bien ça, moi, une compétition, parce qu'il y a la course des Pichoux qui est pas mal en même temps, je sens que je verrais bien ça. Oui, ben on est, je pense, 3 semaines avant les Pichoux. D'habitude, les Pichoux, c'est autour de la mi-mars. Il y a des gens d'ailleurs qui sont inscrits pour le 10 km en nous disant hey wow, ça fit parfaitement dans mon programme d'entraînement, faire un 10 km 3 semaines avant les Pichoux. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a envoyé une invitation à tous les clubs de coureurs de la région. Oui. En plus des démarches qu'on a fait là, si vous cherchez là, les courses CRYO, CRYO. Sur Facebook ou sur Internet, vous allez tomber sur notre site. On a tourné une vidéo qui est absolument magnifique. Là. Ça donne vraiment envie de courir. Puis il y a des gens qui nous posaient la question, tu sais, pourquoi on fait ça le soir comme ça? Puis il y a plein de bonnes raisons. Il y a une raison, entre vous et moi, économique. On a envie que les gens de l'extérieur de la région restent avec nous, puis dorment dans les hôtels, mangent dans les restaurants, puis que les communautés d'accueil bénéficient de retombées. Ben ouais. Il y a des raisons techniques. Quand le soleil tombe, la piste se durcit, puis là, ça va être plus, je dirais, plus agréable de courir là, sur la glace, bien que le fond est déjà pas mal dur. Mais c'est aussi une raison, j'ai envie de dire, esthétique. Quand tu pars de Péribonka à 4 heures de l'après-midi pour le 32, tu commences à courir, tu as le coucher de soleil en pleine face. Et vous irez voir la vidéo. Là, ben oui. Je l'ai vu. On a vu des photos dans le quotidien, d'ailleurs. Évidemment, c'est une première expérience. C'est une première. Il y a eu un projet pilote, mais c'est l'an 1 vraiment cette année. Vous estimez avoir à peu près une cinquantaine de coureurs, mais vous visez 500 coureurs d'ici 5 ans? Ah oui, ça nous inquiète pas. Déjà là, on est On est certain qu'on va remplir là, les 50 coureurs pour le 32, puis les 100 coureurs pour le 10 km. Les inscriptions rentrent, les demandes d'information. On est très, très confiant par rapport au succès de notre activité. OK. Ben Jean-Charles Fortin, c'est une belle activité encore une fois. C'est pas mal de fun. Je trouve ça très original, puis ça va vraiment avec ce que David Lecointe a fait au cours des dernières années. Puis je pense que ça va être vraiment génial comme expérience. Puis c'est voué à un très, très bel avenir. Et gênez-vous pas si vous avez besoin de quelque chose. Ah ben c'est très apprécié. Puis évidemment, on invite les gens à venir nous voir. C'est les courses Crio au pluriel. C-R-Y-O, les courses Crio sur Facebook, sur Internet. Vous nous trouverez. Puis 32 km, oui, il faut être un bon coureur. Mais le 10 km, c'est quelque chose qui est quand même assez accessible. Puis on a une entente là, avec une firme d'entraîneurs puis qui vont pouvoir supporter les gens qui s'inscrivent à distance. Donc, on invite toute la population là, à s'inscrire. Puis ceux qui peuvent vraiment pas s'inscrire, venez nous encourager. Soyez au départ à Péribonka ou à l'arrivée à Roberval le 23 février. Ça va être un très bel événement. Mario, donc Jean-Charles Fortin, un gros merci pour sa part. Plaisir. Jean-Charles Fortin, directeur de la Fondation des Pointes des Pieds.